Chapitre 8e, où Toto chante et déchante. « Eh bien, tu avais raison, » lui disait Michel 2 jours après. « Je suis allé, comme tu me l'avais demandé, porter à l'Institut Boisselin le nouveau volume du docteur Tozane, et j'ai demandé à le remettre directement à M. Pointre. Tu l'as vu, tu l'as examiné, comment le trouves-tu ? C'est difficile à préciser. C'est un homme bizarre. Oui, étrange. Je ne sais pas comment m'expliquer. » Mais il me fait l'effet d'un personnage de conte fantastique. Avec son front si gros qu'on dirait une moitié de courge, et avec ses 3 plis si profonds, il t'a bien reçu ? À peu près. Il a développé le petit paquet, a ouvert le livre, a vu la dédicace du docteur Tozane et a dit « Tiens, pourquoi ?» Puis il a ajouté « Bien que je n'ai pas l'honneur de connaître monsieur le docteur Tozane, vous le remercierez vivement de son envoi. » Il parlait tout bas, sa voix est très enrouée. « Et c'est tout ce que tu as remarqué ?»« Non, non, je n'oublie pas les recommandations. J'ai bien examiné les mains. Eh bien ?»« Eh bien, il a sur le dos de la main droite, à la naissance de l'index et du médius, une cicatrice grande comme une pièce de 100 sous. Cela a tout à fait l'air d'une brûlure, par un acide. Je connais ça, dans la mécanique. On a de ces os-là qui vous corrodent jusqu'à l'os. La cicatrice paraît ancienne ?»« Oh oui, elle est de couleur un peu plus foncée que la peau du reste de la main. » Voilà tout. Ça doit remonter à plusieurs années. Ça ne changera plus. Ça doit remonter à près de 7 ans, dit Fouinard. Comme c'est bizarre que je n'ai pas remarqué cela. Tu connais donc ce monsieur Pointre ? Un peu. Je l'ai vu une fois et nous avons causé d'assez près. Mais ce que tu me dis m'intéresse tout particulièrement. Il n'a pas paru se défier de toi. Non, eh oui. Il m'a regardé très fixement, comme s'il se doutait que je ne disais pas tout à fait la vérité. « Mais tu sais, c'est peut-être une idée. Il a une si drôle de bobine, cet être-là. As-tu pu obtenir quelques renseignements sur lui ?»« Oui, assez complet même. Comme je sortais, il y avait un ouvrier, un employé, je ne sais pas au juste, qui allait porter un paquet en ville. Nous avons fait un bout de chemin ensemble et je lui ai offert un café. Là, très naturellement, on a fait une petite causette. Et je lui ai demandé tout doucement si la maison était bonne. » Alors ça a été des éloges à n'en plus finir. Ce monsieur Boisselin, un ange, quoi. Tous ceux qui sont chez lui l'adorent. Et monsieur Pointre ? Ah, celui-là, c'est autre chose. C'est drôle à dire, mais on ne le connaît pas du tout. J'entends comme caractère. Il est toujours au laboratoire à travailler avec monsieur Boisselin. Il ne parle à personne, sinon pour la stricte nécessité. Tenez, m'a dit mon homme, il doit avoir une cornue à la place du cœur. Il ne rêve que chimie, découverte. Seulement, ce qu'on sait, c'est qu'étant orphelin, il avait été recueilli par M. Boisselin, et que depuis sa sortie de l'école, il ne l'a jamais quitté, travaillant avec lui jour et nuit. Et il paraît que la vieille Mme Boisselin ne pouvait pas le souffrir. Ah, vous avez parlé de Mme Boisselin ? Oui, un peu. Mais mon homme ne l'avait pas connue. Il n'avait que des racontars. Paraît que c'est elle qui avait la fortune et que Boisselin n'avait pas le sou quand il l'avait épousée, et que, tout millionnaire qu'elle était, elle serrait les cordons de l'amour si étroitement que Boisselin n'avait même pas de quoi acheter ses produits chimiques, qu'il était obligé de travailler dans une espèce de cave auprès du Panthéon, qu'il se désespérait parce qu'il ne pouvait pas amener ses expériences à bien, quand tout à coup l'événement est arrivé, et Boisselin s'est trouvé riche du jour au lendemain. Et alors les travaux ont marché, si bien que c'est depuis ce temps-là qu'il a fait ses grandes découvertes. Dit-on quelque chose de l'assassinat ? Pour ça, mon homme n'a pas été bavard. J'ai seulement noté cette phrase. Ah, bien qu'il l'ait tué, il a rendu un rude service ce jour-là. J'ai cru comprendre que, beaucoup plus âgée que son mari, Mme Boisselin était jalouse, acariâtre, avare surtout. Oh, cela on le répète tout le temps. Et que, quand elle a disparu, ça a été un rude bon débarras. Et voilà. Trouves-tu que j'ai bien rempli ma mission ? Très bien, je t'en remercie. Suzon entra, ayant sur la tête papa, le perroquet, qui, tout à fait rasséréné, était devenu le favori de la maison. « Dites donc, mon petit Fouinard, venez donc voir votre costume. Je l'ai arrangé. J'espère que vous serez content. » « Parbleu, content du costume, il n'y a pas de doute. Mais de ce que je vais faire avec, c'est autre chose. J'avais tant juré que je ne jouerais plus la comédie. Mais voilà, un ancien camarade vient vous supplier de chanter quelques chansons en intermède à son bénéfice. C'est un copain, un bon garçon. » Et il vous dit que votre nom doublera la recette. On se laisse aller. Heureusement que c'est au Gobelin, tout au bout de la terre. J'espère que ça se passera en famille. Nous irons vous entendre, n'est-ce pas ? Demanda Susan. Parbleu, à votre aise, mes enfants. En effet, Toto, par bonté d'âme, avait consenti à fournir deux numéros dans une représentation de gala au Gobelin, pour un camarade qu'il avait connu dans le temps qu'il était lui-même dans la purée, et que chacun partage avec l'autre les quelques sous qu'on pouvait récolter de ci de là. Il avait eu quelques succès comme comique, mais voilà qu'un beau jour, ou plutôt un vilain soir, il s'était cassé la jambe et c'était la misère. Quelque chose de plus même, car Toto lui avait trouvé une tournure d'apache. Mais enfin, si on pouvait le tirer de là. Et quand Toto arriva vers 9 heures au Théâtre des Gobelins, qui, comme chacun sait, se trouve dans l'avenue du même nom, ce fut une réception de premier choix. Bien avant le lever du rideau, déjà de tous les coins de la salle, des cris partaient. « Vive Toto ! Vive Fouinard !» Le copain bénéficiaire, qu'on ne connaissait que sous son nom de théâtre, Lucibal, était venu clopinant, car il boitait depuis son accident, et avait embrassé Fouinard en le remerciant avec effusion. « Et t'en auras un de succès !» disait-il enthousiasmé. « Tu ne sais pas, j'ai eu une idée. J'ai engagé les camarades, à l'œil, bien entendu, qui, pendant que tu chanteras dans ton costume de gamin de Paris, t'entoureront en faisant le public. Tu sais, la bonne foule qui fait galerie autour des chanteurs des rues, avec le garçon pâtissier qui a une manne sur la tête, et puis le militaire. Tu verras ça. » Toto avait peine à se dégager de ses effusions hyperboliques. Pourtant, cela l'émouvait et l'amusait aussi. Ce milieu de théâtre qu'il avait dû quitter, il le retrouvait une fois avec plaisir. Et puis, il faisait une bonne action. Ça le ravissait. Par le trou de la toile, il avait aperçu Michel et Susan qui s'étaient placés, excusez du peu, au premier rang du balcon. On jouait d'abord un vaudeville quelconque. On avait conduit Toto à sa loge, la plus belle du théâtre, à laquelle on arrivait par un inextricable dédale de couloirs étroits, d'escaliers glissants, de quoi se perdre 20 fois. Et tout marchait à merveille. Quand Toto avait paru en scène, au milieu de la cohorte de pseudo-curieux que le boiteux avait racolé on ne sait trop où, et qui marquait d'ailleurs assez mal, les applaudissements avaient éclaté avec un bruit de tonnerre. L'enthousiasme était si violent qu'il fallut plus de 5 minutes pour que le silence se rétablît. Enfin, il dit ses chansonnettes, empruntées au répertoire du café-concert, mais qu'il détaillait admirablement, avec un brio d'enfer, un vrai triomphe. Les figurants, eux aussi, avaient fait merveille. Il lui rappelle sur appel. Sa réapparition fut encore plus fêtée. Les figurants ne manquaient pas au rendez-vous, et c'était de la scène à la salle comme une communication électrique de plaisir et de sympathie. « Ils ont de sales têtes, » pensait Toto en regardant la foule qui lui faisait cortège, « mais c'est peut-être des braves gens tout de même. » On bissa, on trissa les chansons de Toto, si bien qu'à la fin, exténué, en sueur, il cria. « Ah zut, je n'en peux plus !» Ni Justine non plus, car il avait chanté avec sa canne pour accentuer ses gestes, ce qui déchaîna un nouvel ouragan d'enthousiasme. Enfin, on baissa la toile. Toto dit « Vite, à ma loge, que je remette un homme du monde. Par ici, monsieur Fouinard, suivez-nous, il y a un chemin plus court. » Un peu étourdi, passant de l'illumination de la salle à la demi-obscurité du couloir, il se laissait entraîner. Il ne s'aperçut pas qu'il descendait dans les dessous. Le boiteux lui tenait le bras, causant l'accablant déloge. Encore un couloir, une porte, une bouffée d'air frais, une poussée en avant qui lança Toto sur le trottoir. Et il sentait qu'on lui jetait sur la tête une lourde étoffe qui lui coupait la respiration, tandis qu'on lui liait les mains derrière le dos. Suffoqué, ahuri, il fut enlevé de terre, jeté dans une voiture, une automobile, qui fila à grande vitesse. Pendant ce temps, la salle rappelait encore. « Toto, Toto Fouinard !» Le pauvre Toto Fouinard était loin.